toutes, bonjour à tous, Serge au micro, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous durant les quelques semaines à venir un programme musical mettant à l'honneur les artistes à qui nous avons consacré un coup de cœur depuis le lancement de notre émission. C'était, je vous le rappelle, le 6 février 2020 exactement. Tout avait commencé par un coup de projecteur sur celle qui est une icône de la chanson française, celle qui offre en ce moment son 8e show nommé Nevermore, 13 concerts magiques dans 9 stades, une organisation monstrueuse puisqu'environ 100 semi-remorques sont nécessaires à l'installation de la scène. On retrouve Mylène Farmer. Partage qu'avec vous sur Fadjet. Elle va passer l'été avec nous. C'est Sheila qui nous accompagnera durant toutes ces émissions estivales inédites, je vous le rappelle. Elle sera en concert demain, 7 juillet, à Montélimar, puis le 15 à La Rochelle. Nous lui avions consacré une émission complète le 2 avril 2020. la main dans la main. On se voit avec la même confiance qui défie les vagues de la vie et du temps. Quelquefois se déclenchent les tempêtes comme une barque qui vogue sur l'océan. Notre amour s'interroge et s'inquiète de tomber et de sombrer dans les courants. Ne fais pas sur un coup de tête quand le vent se lève, tanguer le bateau. Tu sais bien quand la mer se calme juste après les larmes, il fait si beau. Ne fais pas par une maladresse un soir de tristesse, tanguer le bateau. Jamais de défaite, nos vies se complètent, aucun doute on s'aime trop. Chaque escale que nous avons connue nous apporte tendresse et dévotion. Chaque jour nous vivons un peu plus intensément nos désirs et nos passions. L'imprévu peut surgir à toute heure, apparaître comme un raz de marée, effacer nos rêves et nos idées, nous jeter et nous briser sur les rochers. Ne fais pas sur un coup de tête quand le vent se lève, tanguer le bateau. Tu sais bien quand la mer se calme juste après les larmes, il fait si beau. Ne fais pas par une maladresse un soir de tristesse, tanguer le bateau. Malgré les tempêtes, nos vies se complètent, aucun doute on s'aime trop. Ne fais pas sur un coup de tête quand le vent se lève, tanguer le bateau. Tu sais bien quand la mer se calme juste après les larmes, il fait si beau. Ne fais pas par une maladresse un soir de tristesse, tanguer le bateau. Malgré les tempêtes, nos vies se complètent, aucun doute on s'aime trop. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy. Sur 94.2. Kenji nous est revenu avec un tout nouvel album, L'école de la vie. Le chanteur aux 5 millions de ventes dans le monde aborde les thématiques qui lui tiennent à cœur, notamment celle de la famille. C'était notre coup de cœur du 5 mars 2020. On écoute Desperado. C'est... Mademoiselle ou madame, tu m'as l'air sympa, dis-moi c'est quoi ton programme. Rakatakata, toi c'est mademoiselle ou madame, suis-moi pour la vie et je t'appellerai ma femme. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Celle qui suit, on ne lui a encore pas consacré un coup de cœur, mais elle fait partie de nos chouchoutes. C'est donc l'exception qui confirme la règle. Je vous propose de retrouver Clara Luciani dans un extrait de son dernier album, Cœur. J'ai tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. L'amour. Elle avait fait un retour sous le signe de la danse, du lâcher-prise et d'une pop fraîche et entêtante, notamment avec la chanson Brésil Finistère, je vous le rappelle, écrite et composée entièrement par Benjamin Biolay. Il s'agit de Noël Wayne, le roi. Voulez-vous bien danser ce soir comme si c'était la dernière nuit? Notre coup de cœur consacré à Nolwenn Leroy, c'était le 15 septembre 2022, le 15 septembre dernier. Le 19 janvier dernier, Gaëlle Pietri, elle avait appris avec effroi la mort de son ancien compagnon et père de son fils Orso, le comédien Gaspard Ulliel, rappelez-vous d'un accident de ski. Certains l'ont associé à la chanteuse Julie Pietri. Ont-elles réellement un lien de parenté? Eh bien, la réponse est non. En ce qui nous concerne, Julie Pietri, c'était notre coup de cœur du 15 octobre 2020. Oh, femme unique, péché désir, pour un serpent de Bible a brisé son empire. Bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre les mots du premier jour. Jet. Coup de cœur à Nancy sur 94.2. Des émissions coup de cœur inédites pendant tout cet été 2023, c'est ce que je vous promets. Le 1er avril 21, Patrick Juvet a été retrouvé mort dans son appartement barcelonais. Les résultats de l'autopsie concluent à un arrêt cardiaque. Patrick Juvet, bon mélodiste, également pianiste et compositeur efficace, à qui Claude François doit le lundi au soleil. Nous lui avions consacré un coup de cœur juste une semaine avant sa disparition. Elle était venue comme une étoile, pareille à celle des nuits de neige. Les vents froids de sa steppe natale la suivaient comme une mer, une mer. Se faire à l'idée que mon pays fait parfois l'été au doux soleil des mille ciels bleus. Je devais lui allumer un grand feu. Sonia, ça peut rimer avec Elsa. On a tous dans le cœur un refrain de Barbelivien, notamment « Petite fille du soleil, mademoiselle chante le blues, à toutes les filles, on va s'aimer ». Sachez qu'il sera en concert le 2 novembre à Bressuire, le 4 à Mennecy, le 8 novembre à Lyon, le 12 à Lille, plein d'autres dates également, dont une qui devrait vous intéresser, le 9 décembre à Vittel, notre coup de cœur du 28 avril 2022. Je me souviens de ses yeux-là. Amat subissait ta loi. Elsa, les nuits de Sherazade se moquaient du froid. Elsa, dans mes longues promenades, quand je pense à toi, je me souviens de ses yeux. Chanson des marins n'a plus rien de toi, Elsa. Le soleil ce matin ne brille pas pour moi, Elsa. Le printemps qui revient ne me guérit pas. Je me souviens de ses yeux là. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Elle aurait coupé tout court ses cheveux blancs. Elle n'a pas peur de vieillir. C'est de Lio dont il s'agit, notre coup de cœur du 25 novembre 2021. Je confonds et là je fonds à moi pour la tombe. Fadjet à Nancy sur 94.2. Deux membres du mythique groupe de disco suédois ont mis fin aux spéculations quant à un retour sur scène 50 ans après leur victoire dans le concours international. Déception pour les fans d'ABBA, le groupe de disco suédois ne se reformera pas en 2024 sur la scène de l'Eurovision 50 ans après sa victoire, alors que ce célèbre concours aura lieu dans son pays. Notre coup de cœur du 21 mai 2020. De nous rejoindre. Sachez que pendant cet été 2023, des émissions inédites de coup de cœur vous seront proposées. On va piocher parmi celles et ceux à qui nous avons consacré un coup de chapeau pendant les quatre saisons précédentes de notre émission et on va les écouter pour passer tranquillement, partager ensemble ces moments ensoleillés, je l'espère, de l'été 2023. Alexandre Sacha Distel, il nous a quitté le 22 juillet 2004. Déjà, ça va faire 10 ans l'année prochaine, chanteur de charme, guitariste de jazz. Après de nombreuses aventures sentimentales, notamment avec Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, Annette Stroyberg, et bien en 1961, il rencontre Francine Bréau, championne de ski, avec qui il fonde une famille. Ce qui suit est une superbe déclaration d'amour. Ça tendrement de mots démodés, ma femme, mais sans fleurs, sans discours et sans la mairie, pour le cœur, c'est chaque jour que l'on se marie, ma femme, ma femme. D'avoir cherché quelqu'un et d'en respirer toujours le parfum, ma femme, ma femme. Depuis des années, elle porte mon nom, ma vie chaque année porte son prénom, ma femme, ma femme. Ma tendresse, ma passion, ma richesse, ma raison, ma folie, l'horizon de mon pays, ma chanson, les choses de la vie et le temps partagé. On fait jour et nuit que nous rapprocher. Sur internet www.fadjet.net. Je suis sûr que cette adresse internet vous la connaissez par cœur, mais une petite piqûre de rappel ou pour ceux qui passent dans la région, qui vont quitter la région du Grand Est et qui souhaiteraient continuer à écouter Fadjet, donc soit en direct, soit à travers les podcasts qui sont disponibles 24 heures sur 24, toutes les émissions, des articles super intéressants, déjà peut-être pour la future rentrée, estudiantine sur la région nancéenne, etc., etc. On continue avec Marie Laforêt. Marie Laforêt, elle paraissait très à l'aise devant son public et en réalité, elle était tétanisée par la foule. Malgré tout, une grande carrière dans la chanson, mais également au cinéma, puis au théâtre. Elle nous a quittés en novembre 2019 et on lui a fait un grand coup de chapeau dans le coup de cœur sur Fadjet le 2 décembre 2021. Lorsque nous

écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2. Elle a débarqué du Portugal avec sa célèbre valise en carton. Elle a souvent rendu hommage à Amália Rodrigues. Il s'agit bien sûr de Linda de Souza qui nous a quittés le 28 décembre dernier, 28 décembre 2022. On lui a rendu hommage le 12 janvier 23. On la retrouve dans une chanson toute pétillante. Elle parle de Jeanne. Celui-là que j'aimais, celui-là qui m'aimait, qu'il était beau. On l'appelait Jeannot des Romarins, petit Jean du matin, Jean que j'aimais. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. La groupie du pianiste sort d'abord sur l'album Beau Séjour en janvier 1980 en tant que titre d'ouverture, avant d'être publié en single à la même période avec Quelques mots d'amour en face B. La première édition du 45 tours met en avant la chanson, tandis que la seconde édition place Quelques mots d'amour au recto de la pochette, en dessous de la groupie du pianiste. Elle arrive malgré tout à se hisser jusqu'à la sixième place des ventes en France durant l'été 80. Il s'agit de la chanson de la consécration pour Michel Berger, puisqu'il c'est une des meilleures chansons de vente en single de sa carrière entière. On lui a consacré deux coups de cœur parce que la carrière était trop diversifiée, trop importante. Un environnement d'artistes également très important. C'était les 13 et 20 octobre 2022. Dernière chanson de ce programme, c'est en public comme à l'accoutumée. Cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copine du pianiste.